Voilà les sectes à la française. Lorsque pour l'événement, nous avons pensé à les chercher, à les montrer, nous avions tous dans les yeux les images de l'invraisemblable massacre dans ce pays. Un certain sectarisme, une marginalité étonnante, des rites secrets, une liturgie jamais vue. Peut-être que leur propos est beaucoup plus révélateur que leur costume ou leur absence de costume. Jusqu'à la fin.